Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Elle m'a donné la vie et je me reproche souvent ma conduite. Mais c'est pas tous pour un, par chez nous c'est plus un conduite. Faut que je passe la vitesse, je veux plus qu'elle me voie souffrir. Mon cœur s'est fermé seul, il finira bien par s'ouvrir. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour moi et mon grand frère. Je veux la rendre fière, lui montrer ce que j'ai le cran de faire. C'est son nom que j'aurais dû me tatouer sur les poignets, envers tout l'amour et toute la force qu'elle a déployée. Celle qui m'a fait vivre quand je trimais, que j'avais pas d'une, qui m'a donné ce qu'il faut pour la bouffe et pour les factures. Elle est toujours là, dans la joie comme dans les ennuis, et le bonheur qu'elle m'a. Porte, je sais pas ce que je deviendrais sans lui. J'essaie de passer là où bon nombre échoue. Ici j'ai le moral qui balance entre l'ombre et le jour. Avant que le destin me monte la vie, je ferais tout pour que ma mère voie son fils en haut de l'affiche. Ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je marcirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Tout pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans lacune. Tout pour ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je marcirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Tout pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans la thune. Ma mère, je lui dois tout, sans elle, je serais pas là. Je m'évoque toujours ses conseils avant de commettre l'irréparable. C'est mon modèle, ouais, ma seule idole. Et elle m'est indispensable comme le soleil. À Benidorm, j'ai peur de la décevoir. Je lui dis pas assez que je l'aime, je lui dirai dès ce soir. J'affronte le désespoir et les embûches. J'ai appris à encaisser les coups, maintenant je les ressens plus. Si ma mère me voyait au taf, elle serait fière. On me sollicite pour les tâches lourdes, c'est à moi qu'on se réfère. J'évite les cul-de-sac, admettre que je suis faible, j'ai jamais cru ça. T'inquiète, je ferai mes preuves au moment crucial. Maman, faut que tu saches, dans la vie je fais de mon mieux. Et comme tu m'as appris, je me laisse guider par le bon Dieu. De façon à ses yeux, je suis irréprochable. Elle m'apportera du soutien si ma vie vire au cauchemar. Pour ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je noircirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Tout pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans lacune. Pour ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je noircirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Tout pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans la thune. Chez moi c'est cérébral, comme si ma mère voyait dans cet état. Sans ça se pote comme si tu sautais de cet étage. Trouver un petit étel, mais c'était elle. Une flamme s'est éteinte le jour d'appétit. À ta place et qu'elle a dit que c'était die. Alors bye bye d'ailleurs, une petite entaille. Trop tard pour un but de taille, une jolie fille en tailleur. C'est comme si t'étais fille du fruit de tes entrailles. Tu fais la vie comme un suicide collectif du haut de ta montagne. Faut que je te le dise, faut que j'essaie. Même si tu connais pas le quart des vices de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai, ce que j'ai testé. Quand tu sais que ce que t'aimes sont devenus ceux t'en détester. C'est au détesté de manière, grâce à mes propres moyens. L'histoire se répète avec un zéro nul de moyenne. Neuf de c'est mon domicile, quand je rampe c'est un homicide. En domicile je décide de ne me mettre aucune barrière. Tout pour ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je noircirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Tout pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans lacune. Pour ma mère, ma gueule, je vous décrocherai la lune. Je noircirai ma feuille, ce qu'on veut c'est faire la une. Pour ma mère, ma gueule, c'est parce qu'on en a qu'une. Je veux qu'elle soit fière de moi avec ou sans la thune.